Exercice 10, page 61. A. Tu en veux ? Transformer. Tu n'en veux plus ? Tu n'en veux plus du tout ? B. Tu en vends ? Transformer. Tu n'en vends plus ? Tu n'en vends plus du tout ? C. Tu en prends ? Transformer. Tu n'en prends plus ? Tu n'en prends plus du tout ? D. Vous y allez ? Transformer. Vous n'y allez plus ? Vous n'y allez plus du tout ? E. Vous y mangez ? Transformer. Vous n'y mangez plus ? Vous n'y mangez plus du tout ? F. Vous y passez ? Transformer. Vous n'y passez plus ? Vous n'y passez plus du tout ?